Ah, il faisait bien beau aujourd'hui, hein? Ah, il faisait si bio qu'on a décidé de sortir l'auto. L'autio, pardon. Un coup de démarreur, Ginette a déjà ses vapeurs. Et tout le monde s'en va pépère tranquille, peinard. On roule un peu. Dès les premiers arbres. Un clic, la clic, la clic, la. Il y a la forêt qui interpelle. C'est là qu'on va faire un joli pique-nique. À quelques encablures. Eh oui, le bruit des vagues. Le soleil brille. Ouais, bon. Et nous nous allongeons sur le sable chaud pour faire bronzette. Non, c'est bon. Étalons notre serviette. Oh, la jolie serviette. La serviette est étalée. Oh.